La Corée a établi pour la première fois le procédé de production des aliments nutritifs du système de peptides animal. Le corps technique de l'usine de transformation des céréales de Pyongyang et les scientifiques concernés ont mis au point une dizaine d'espèces de nourriture, y compris gâteaux et bonbons au lait et gelée sucrée avec la protéine peptidique très efficace pour la santé, la nutrition et l'action médicamenteuse, et régler de leur manière le problème de l'industrialisation de la production. Production des aliments nutritifs du système de peptides animal. Le corps technique de l'usine de transformation des céréales de Pyongyang et les scientifiques concernés ont mis au point une dizaine d'espèces de nourriture, y compris gâteaux et bonbons au lait et gelée sucrée avec la protéine peptidique très efficace pour la santé, la nutrition et l'action médicamenteuse, et régler de leur manière le problème de l'industrialisation de la production. Ces nourritures sont bien appréciées au 32e Festival National de la Technoscience et à l'Exposition Internationale des Sciences et Techniques de Santé et d'Appareils Médicaux à l'Usage Domestique de Pyongyang.